Galaxy. Out of time. Out of time. Bonjour à vous tous, vous écoutez Galaxy sur le 95.30 en ce dimanche 20 janvier. Voici tout de suite Party After, on est ensemble jusqu'à midi. Thank you. Un instant, Matin Solveig, pour commencer cette émission avec C'est la vie. On poursuit avec Bocuvina, le remix signé Marcus Welderg. After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. We'll be right back.

Smoke City à l'instant avec Mr. Gorgeous. Juste avant de retrouver les informations de proximité présentées par Stéphane Laroche, voici tout de suite Joe Tévenini avec Playing the Voice. Party After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy.

empire, the empire of house music. Natural high. Galaxy, the empire of house music. ne changez rien, vous écoutez Galaxy sur le 95.30, c'est parti after, on est ensemble jusqu'à midi. On va faire tout de suite un petit tour du côté des clubs pour ce dimanche 20 janvier. Une belle soirée se prépare à l'âge de Zoo pour la soirée e-fiesta avec Thomas et Sed, avec des danseurs, des échassiers, des cracheurs de feu, spectacle de magie, lâcher de ballons, percussions et sax en live, feux d'artifice, etc. Ça sera ce soir du côté du Zoo. Chaque dimanche, 10h midi, Pascal Mancini sur Galaxy. l'instant, c'était Genesis, la version 2007. Galaxy vous donne l'heure, il est pile poil 11h. Radio Galaxy, Galaxy. The Empire of House Music. Et dans moins d'une heure, c'est ADN que vous retrouvez tout à l'heure aux alentours de midi pour une session électro à ou suivie de Michael H, 14h-16h, Sly Arnaud, 16h-18h, Byron Wesley pour 18h-20h, Man Ray, 20h-22h et Guillaume de Baskerville, notre ami Guillaume de Baskerville pour son émission Prélude. On vous rappelle que ce soir, ça sera l'émission numéro 191, suivie de SIC pour la session hardcore aux alentours de 23h. We'll be right back.

energy, fun, skyrock? No. Galaxy, the one and only for you. We'll be right back. I'm not afraid to die. Pascal Mancini sur Galaxy. l'instant, c'était Funkajada sur les ondes intergalactiques. Il est 11h30. On retrouve tout de suite Stéphane Laroche pour les informations de proximité. On vous rappelle que vous pouvez retrouver ces informations sur le site de Galaxy, www.galaxyfm.com. De nouveaux rendez-vous du Centre Européen Humour à la Maison Folie, espace d'Avray de Tourcoing. Même en kilt, La vie vous assassine de Michel Brancard, ce samedi 19 et dimanche 20 janvier. Réservation 03 20 26 72 78 ou sur le web eurohumour.com. Concert à la boîte musique Ouatrelosienne ce samedi 19 janvier dès 15h avec sur scène le groupe Scandinavian Metal Attack plus un plateau métal en première partie. Infoline 06 67 13 67 30 ou réservation comme toujours Office de tourisme ou à Trollo. Un mot de sport avec le challenge de judo Henri Jecker programmé ce dimanche 20 janvier 10h à la salle Roger Salon Gros de Ouatrelot. De très nombreux combats avec les meilleurs représentants de la catégorie. À ne pas manquer donc. Plus d'infos 03 20 75 89 50. Retour du théâtre Wallon Moucrenois ce dimanche 20 janvier 16h au CSE de Ouatrelot. Avec la pièce Trochetro, une nouvelle satire drôle et percutante comme on les aime. Renseignements Office de tourisme 189 rue Carnot Ouatrelot 03 20 75 85 86. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles comme toujours sur galaxyfm.com. Galaxy. Galaxy, Save the River. Frida à l'instant avec le titre Europa. On vous rappelle les prochains les événements pour ce dimanche 20 janvier à l'H2O pour cette fameuse soirée Ifiesta avec Thomas et Seth ce soir, avec des danseurs, des échassiers, des cracheurs de feu, spectacle de magie, lâcher de ballon, percussions et sax en live, feux d'artifice, etc., etc. Ça sera Ozo ce soir. Concernant les animateurs, ça sera dans un petit quart d'heure ADN pour une session électro house suivie de Michael H, Sly Arnaud, Byron Wesley suivront, Mandré et ne sans oublier bien sûr notre ami Guillaume de Baskerville pour son émission Prélude. On vous rappelle que ça sera l'émission numéro 191 ce soir et il sera suivi bien sûr de Sick pour la session hardcore aux alentours de 23h. Galaxy. Only house. Merci d'avance de votre grande fidélité. Vous écoutez Party After depuis 10h. Et oui, déjà l'heure de nous quitter. Rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien dans quelques instants. C'est ADN que vous retrouverez pour une session électro à vous. Je vous souhaite bien sûr une excellente après-midi à l'écoute de la radio. Et je vous dis à très bientôt. Let your love flow like the sunshine. The rivers run deep.